Le 3 juillet, l'Association nationale des Coréens aux États-Unis a publié un commentaire sur le périple de l'ex-président américain Obama en Corée du Sud. Le commentaire déplore que lors de sa visite en Corée du Sud, Obama a donné une conférence sous les auspices du journal Joseon Ilbo et rencontré Lee Myung-bak. Il critique que la bande des conservateurs, prévoyant la ruine du Parti de la Corée libre et du Parti juste, tente de profiter de cette conférence pour rallier les éléments pro-américains corrompus dans le but d'organiser un groupe politique guidé par Lee Myung-bak et de prendre l'initiative de la situation politique.